Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Trangena. De Trangena. De Trangena. On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers. Immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre, en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité. Ou bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploiter devraient-ils le faire? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons, et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Trangena. De Trangena. De Trangena. De Trangena. Bonjour, vous êtes bien sur l'émission Tranche d'Anard, l'émission anarchiste de Radio Air Libre. Deux fois par mois, vous nous retrouvez sur les ondes, le premier mercredi du mois et le troisième mercredi du mois, de 20h30 à 22h. Notre adresse est le 365A Chaussée d'Alsenberg, 1190 Bruxelles. Notre numéro de téléphone, le 02 344 58 55. 02 344 58 55. Ce soir, nous ne serons pas sur les ondes. Nous ne serons pas au studio. Mais nous allons vous parler de grève de ventre, grève des mères et de néo-malthusianisme. Nous allons diffuser une interview de Jeanne Humbert, qui est une militante libertaire, pacifiste, naturiste et néo-malthusianienne. Et qui, cette interview a été tirée d'un film documentaire de 57 minutes réalisé par Bernard Bessa en 1981. Jeanne Humbert est née le 24 janvier 1890 à Romans dans la Drôme. Elle est morte le 1er août 1986 à Paris. Elle a milité pour la liberté sexuelle ainsi que pour la liberté de la contraception et de l'avortement. Elle a été très active dans le mouvement néo-malthusien. Ce mouvement a été initié à la fin du XIXe siècle en France par des théoriciens anarchistes tels que Paul Robin. Ce mouvement prône un contrôle des naissances grâce à des moyens contraceptifs en usage à l'époque et à l'avortement. Afin de ne pas produire massivement la chair à canon dont les bourgeoisies industrielles ont besoin pour les prochaines boucheries, la chair à travail qui facilite l'exploitation patronale, la chair à plaisir qui alimente la prostitution. Alors, ces théoriciens appellent à la grève des ventres. Cette expression « grève des ventres » a été forgée par Marie Huot, qui est une poétesse, femme de lettres, journaliste, féministe et militante pour les droits des animaux, mais aussi néo-malthusienne radicale en faveur d'une limitation drastique des naissances. Alors, Paul Robin fonde en 1896 la Ligue de la Régénération Humaine. Alors, cette Ligue, opposée à la propagande nataliste, diffuse des moyens contraceptifs au nom de la libération des femmes. Il faut que les femmes échappent à leur destin de génitrice. La Ligue sera dissoute en 1908. La même année, Eugène Imbert lance le journal Génération Consciente et à partir de 1909, Jeanne Imbert en devient une collaboratrice active. La Génération Consciente est présentée dans les brochures néo-malthusiennes comme l'acte socialiste révolutionnaire par excellence et la dépopulation croissante et délibérément escomptée comme un moyen de rendre impossible la guerre impérialiste et, tout autant, un moyen de tenir la dragée haute aux patrons et leur salaire de misère. Le mot d'ordre qui donnait une teinture militante à la contraception a été de faire la grève des ventres. L'ouvrier sortait souvent vaincu de la grève des bras, mais s'il persistait 20 ans seulement à suivre les conseils des néo-malthusiens, il parviendrait à créer une véritable pénurie de travail salarié. Et alors, pour les plus convaincus, tout croulera par la base, les institutions et les hiérarchies, sans qu'il soit nécessaire de verser une seule goutte de sang. C'est Fernand Colnay, dont le pseudonyme Fernand Pochon de Colnay, qui a écrit ce texte. C'est un homme de lettres français, proche du mouvement libertaire, néo-malthusien et un des fondateurs de la revue Génération Consciente. Alors, l'activité militante de Jeanne et Eugène Imbert leur vaut plusieurs séjours en prison pour leur propagande antinataliste et leur action en faveur de l'avortement, et surtout après l'adoption de la loi de 1920 qui interdit l'avortement et toute propagande antinataliste. Alors, lors d'une conférence en Normandie, Jeanne Imbert déclara « Et d'abord, les femmes ne doivent plus faire d'enfants tant que les patries auront le droit de les assassiner », ce qui lui valut d'être poursuivi et condamné le 18 juillet 1934 à 3 mois de prison et 100 francs d'amende sous la pression du journal clérical et réactionnaire La Croix du Bocage. Alors, durant l'entre-deux-guerres, les militantes féministes pour un contrôle des naissances ne sont pas nombreuses. Alors, il y a eu Nelly Roussel, Madeleine Pelletier et Bertie Albrecht. Nelly Roussel a même dit dans La Voix des femmes le 6 mai 1920 « Faisons donc la grève des ventres, camarades, la grève des ventres, plus d'enfants pour le capitalisme qui en fait de la chair à travail que l'on exploite ou de la chair à plaisir que l'on souille. » Ensuite, dans les dernières décennies du XXe siècle, la lutte pour le contrôle des naissances a pris une grande extension, mais d'une part grâce au mouvement des femmes réclamant la libre disposition de leur corps et proclamant leur droit de n'avoir que des enfants désirés. D'autre part, grâce au mouvement écologiste et altermondialiste, l'objectif est de sauver la planète de la pollution et de l'épuisement des matières premières non renouvelables, et de permettre un développement durable dans les pays du Sud. Voilà, donc nous allons écouter ce documentaire, cette interview de Jeanne Imbert, qui a été réalisée un jour de son anniversaire, et où elle raconte sa vie de militante, son engagement, ses rencontres avec les néo-malthusiens, et voilà. Donc bonne écoute. J'ai bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en goutte de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous vous en ferez autant de cerises. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les peurs. Jeanne Imbert a 90 ans. Ses amis ont organisé une fête pour chanter la militante néo-malthusienne. Je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez autant de cerises, vous aurez aussi des chagrins d'amour. En libertaire absolue, sans attache et sans grade, j'ai bataillé sur tous les fronts, contre tous les abus d'un régime coercitif et ses lois liberticides, contre les traditions ancestrales poussiéreuses, contre les préjugés séculaires, contre, enfin, j'ai protesté contre tout ce qui opprime, ce qui dégrade et abîme la vie. Si le néo-malthusianisme, auquel je suis rallié depuis les premières années de ce siècle qui se termine, a charpenté ma pensée, si j'ai participé à maintes campagnes organisées et vécues par tous mes amis, mes aînés, mes amis très chers, dont je n'ai plus que le souvenir puisqu'ils sont tous disparus, si j'ai, bien avant que cela devienne officiel, revendiqué pour la femme la liberté d'être mère à son gré, si j'ai tenu pour nécessaire une réglementation raisonnable des naissances dans le monde, j'ai aussi agrandi mon action en greffant sur ce problème essentiel socio-démographique, des idéologies tendant au progrès social humain qui serait tout de même moins illusoire. Malthus était un pasteur anglais. Seulement, c'était un savant et un mathématicien. Et il basait sa doctrine, sa théorie, sur ce système que moins on avait de population, au plus on pouvait établir un régime équitable pour le bonheur de tout le monde, de tous. Seulement, il avait, comme il était pasteur et qu'il était assez rigoriste dans ses mœurs, il préconisait, pour limiter les naissances, la chasteté dans le mariage, d'abord le mariage tardif, et la chasteté dans le mariage. Or, les Malthusiens français n'ont pas admis ces procédés. Ils ont considéré que ça n'était pas, d'abord pas humain, pas possible, et ils se sont appelés néo-malthusiens en déclarant que sans se priver d'amour et se marier jeune, si on désirait se marier jeune, on pouvait quand même limiter sa progéniture par des moyens non dolosifs aussi, c'est-à-dire les procédés anticonceptionnels masculins et féminins qui existaient à l'époque, qui étaient des procédés pas très agréables à employer, il faut le dire, mais qui ont beaucoup progressé depuis, parce que maintenant, je crois que les femmes sont vraiment gâtées en ayant la pilule qui ne leur demande aucun effort. Les néo-malthusiens français sont généralement des militants révolutionnaires, alors que Malthus lui-même était quand même empreint de principes de conservation sociale. À la base, il y a ces théories démographiques de Malthus, mais quant au procédé, il s'agit donc de répandre la contraception, les méthodes contraceptives, il s'agit de permettre aux gens de se procurer les produits en question, il s'agit de les éduquer pour qu'ils sachent les utiliser, il s'agit de leur donner conscience également de leur intérêt à y avoir recours, dans le but, donc essentiellement, de limiter leur natalité, et parfois, chez certains, qui s'écartent encore plus de Malthus, dans un but de liberté humaine, dans un but également d'eugénisme, et donc d'amélioration de l'espèce humaine en écartant les naissances indésirables. Mais la base est essentiellement donc malthusienne, et de cette histoire d'équilibre entre population et subsistance, de ne pas faire, si vous voulez, que la population soit réduite par la guerre, par la famine, mais qu'elle soit réduite volontairement grâce à l'emploi de procédés donc anticonceptionnels. Refuse de peupler la terre, arrête ta fécondité, décrète la grève des mères, au bourreau, crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Pour faire de ton fils un homme, tu as peiné pendant 20 ans, tandis que la gueuse en assomme en 20 secondes des régiments. Refuse de peupler la terre, arrête ta fécondité, décrète la grève des mères, au bourreau, crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Elle a commencé mon enfance, j'avais à peu près 8-9 ans, quand ma mère, quittant son mari, c'est-à-dire mon père, est partie avec un anarchiste qui vivait à Romans, mon pays, ma ville natale, et pour Tours, nous sommes allés en Touraine, donc, et j'étais du voyage. Et là, j'ai été élevée, c'est-à-dire libertairement, par ce camarade anarchiste qui est devenu l'ami de ma mère qui a été l'homme de sa vie, en fait, jusqu'à 16-17 ans, au moment où j'ai pris mon essor, où je suis partie voulant vivre ma vie toute seule. Et alors c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose dans la vie que de boire, manger et dormir, et faire joujou, etc. Parce que dans ce milieu, qui était un milieu libertaire total, où l'on recevait plein de gens, des libertaires de tous les pays, on peut dire, car Auguste Delallée organisait à Tours des conférences, des réunions, il faisait venir tous les orateurs de Paris, Laurent Taillade, Jean Marestan, enfin, tous ceux qui étaient capables de soutenir une thèse. Alors moi, j'ai participé à tout ça. J'ai été élevée dans ce milieu, c'est-à-dire sans autre tabou, sans les préjugés habituels, sans communion, sans religion, sans rien du tout, qu'un régime rationaliste et libertaire. Quand on a été obligé de quitter Tours parce que la ville devenait impossible et invivable à cause de la propagande faite justement par Delallée dans la ville, nous sommes arrivés à Paris, j'avais 12-13 ans. C'est à ce moment-là que j'ai fréquenté les universités populaires. J'ai appris beaucoup de choses, car j'ai entendu parler beaucoup de gens extrêmement intéressants, c'est-à-dire Camille Flammarion, Anatole France, Colette. J'étais dans toutes les réunions, j'allais partout avec eux. Et j'avais bien aperçu Genebert, qui à cette époque était lié au mouvement néo-malthusien avec Paul Robin. Du point de vue politique, Paul Robin était profondément libertaire, mais était marqué très fortement par un engagement de pédagogue. Finalement, pour résumer ses idées, le mieux est de reprendre sa formule « bonne naissance, bonne éducation, bonne organisation sociale ». Et voir donc ce qu'il appelle « bonne organisation sociale », c'est l'anarchie, finalement. Ce qu'il appelle « bonne éducation », c'est l'application de ces principes libertaires dans le terrain pédagogique et de l'éducation. Et ce qu'il appelle bonne naissance, c'est le néo-malthusianisme, finalement. Et l'eugénisme, qui sont très liés pour lui, et qui vont donc du choix d'une limitation volontaire des naissances, d'un point de vue malthusien, donc pour éviter les catastrophes qui jusqu'alors ensanglantaient le genre humain, et du côté eugéniste, c'est-à-dire de procréer dans des bonnes conditions, de santé, des bonnes conditions sociales, qui permettent donc la naissance d'enfants dignes du genre humain. Il a suivi une vie de militant révolutionnaire international à Bruxelles, puis à Genève avec Bakounine. Et en Angleterre. Puis en Angleterre, après l'échec de la Commune, il a dû se réfugier à Londres par peur des persécutions. Il a été arrêté et a été à Sainte-Pélagie. Oui, pour appartenance à l'Internationale, oui. Au deuxième procès, je crois, des membres de l'Internationale. À Londres, où il va être accueilli par Karl Marx, par Bakounine, par Stuart Mill. Kropotkin. Par Kropotkin. C'est-à-dire, c'est lui qui a accueilli Kropotkin quand Kropotkin s'est évadé de la prison de Pierre et Paul. C'est Paul Robin, en Angleterre, à Londres, qu'il est descendu. C'est comme ça qu'ils sont devenus amis. Oui, et adversaires, parce que Kropotkin n'était pas néo-malthusien. Comme conférencier, il était adorable. Et j'avais 15 ans, à peine, quand je l'ai vu et entendu pour la première fois, dans une petite salle de bistrot quelconque, où il faisait un cours à la fois théorique et pratique. C'était en 1902, 1903. Paul Robin commençait à vieillir, il était surchargé de travail, étant donné que non seulement il s'occupait du néo-malthusianisme, mais il s'occupait aussi de l'éducation. Il publiait un bulletin qui s'appelait l'éducation intégrale. Il faisait des conférences, il était franc-maçon, il prenait la parole au Grand Orient, il avait beaucoup de travail. Or, quand Humbert a fait connaissance de Paul Robin a vu tout de suite que dans cet homme qui était un type extrêmement vigoureux, très, très actif, très intelligent, très ouvert, très clairvoyant, il a dit là, je vais trouver vraiment une recrue de choix pour me seconder. Et il l'a engagé à venir travailler avec lui chez lui. Et à ce moment-là, Régénération, qui était l'organe créé par Robin, et qui ne vivait que sporadiquement, vous savez, quelques numéros par-ci, quelques numéros par-là, est devenu mensuel d'une façon régulière. La propagande a pris un essor très, très, très important. Humbert a rallié au mouvement des gens qui étaient très réticents, même hostiles, même parmi les anarchistes, qui étaient kropotkiniens et par conséquent pas du tout malthusiens. Ils étaient pour la liberté de la maternité en tant qu'anarchistes, en tant que libertaires, en tant que partisans de la liberté complète des individus. Mais ils n'étaient pas malthusiens de théorie. Sébastien Faure, à ce moment-là, avait publié d'abord son premier livre, La douleur universelle. Et dans ce livre, il y avait un chapitre, justement, sur la nécessité de faire de pas mal d'enfants, n'est-ce pas ? Parce que ça faisait des soldats pour la révolution. Il y avait d'ailleurs une chanson là-dessus. Plus il en étera, mieux ça vaudra, hardi les gars, c'est Germinal qui fera pousser les semailles. N'est-ce pas ? Ils en étaient là. Et un jour, Humbert en parlait à Robin, et Robin lui dit, vous n'aurez jamais l'assentiment de Sébastien Faure, car il n'a pas l'esprit scientifique. Je m'y suis acharné et il n'y a rien eu à faire. Alors Humbert a dit, bon, ben, je verrai, c'est un ami personnel, je vais aller le voir. Et au bout de deux ou trois visites, après lui avoir fourni tous les documents, Sébastien Faure est devenu néo-malthusien. Humbert a continué, a donné un essor formidable au mouvement, et puis alors ça a duré jusqu'en 1908. Et quand il s'est séparé de Robin, Régénération a eu peut-être deux ou trois numéros, et puis ça a été fini. Alors Humbert a créé son propre mouvement, c'est-à-dire Génération Consciente. Et c'est à ce moment-là que moi, je suis entrée dans la famille néo-malthusienne. J'avais chez moi, c'est-à-dire chez mes parents, une machine à écrire. Comme Delalais était rédacteur aussi à Génération Consciente, c'était un néo-malthusien affirmé, il était en relation avec Humbert. Et un jour, il lui a proposé cette machine. Alors cette machine, bon, elle arrive à Génération Consciente. Et un jour, je reçois, où j'habitais, c'est-à-dire chez Miguel Almoreda à l'époque, une lettre de Génération Consciente, c'est signé de Gene Humbert, en me disant, cher camarade, pourriez-vous passer à nos bureaux parce que nous avons une machine à écrire qui vous appartient, mais que personne ne sait s'en servir, nous voudrions bien en connaître le fonctionnement, et même si vous êtes libre, vous pourriez peut-être nous taper en fait des choses dont nous avons besoin. Moi, vous savez, j'étais entre 18 et 19 ans, j'étais un peu timide. Je demande à un de mes amis, un anarchiste, qui était en ce moment au Libertaire, qui s'occupait de la cuisine du Libertaire, Louis Grandidier, de me conduire. Je lui dis, tu connais Humbert, tu connais Génération Consciente, est-ce que tu peux oui, je te mènerai avec son accent parisien, tu n'es qu'à me dire quand tu veux y aller. Bon, alors nous voilà partis, un jour nous arrivons un dimanche, chez Humbert. D'abord, la première personne que je rencontre dans la rue, c'est mon ami Rouenard. Nous sommes arrivés tous les trois chez Humbert. Et on me présente la machine à écrire. Et nous examinons la machine. Ben, je dis, oui, elle est en parfait état. On peut très bien travailler dessus encore. Elle est très bonne. Alors, nous convenons avec Humbert, n'est-ce pas, tous les deux. Nous étions tous les deux seuls dans le bureau. Que je viendrai. Parce qu'il avait des tas de circulaires à faire et des lettres à envoyer en double, en triple, etc. Que je viendrais taper ça. Je reçois encore une lettre d'Humbert, tout de suite, nous vous attendons, et je reviens la deuxième fois chez la Génération Consciente, et j'en suis plus parti. Et là, j'ai commencé à faire mes classes. Je me suis imprégné de cette doctrine. Humbert m'a ouvert sa bibliothèque. Il m'a nourri de tout ce qu'il savait. Nous avons eu des conversations nombreuses et tout, parce que quand nous sortions tous les deux, n'est-ce pas, c'est pas moi qui avais la parole, n'est-ce pas, il m'apportait tout ce qu'il savait, et il savait beaucoup. C'est donc là que je me suis mise dans le bain néo-malthusien. Et ça a duré jusqu'à la guerre de 14, vous comprenez ? Je me suis occupée du journal, d'un tas de choses comme ça, mais en personnage modeste dans l'ombre d'Humbert. Et alors, comment était l'ambiance à Génération Consciente ? Oh, c'était une ambiance extraordinaire, très fraternelle, très, très joyeuse même, joyeuse. Parce qu'on travaillait dans la joie, dans la joie de faire quelque chose d'utile. Et puis, dans la générosité, dans la solidarité, on était très fraternels. Un souffle trop puissant, une flamme trop large les emplissait. Ils n'avaient pas senti leur cœur se vider de son sang rouge et de sa chaleur. Ils rêvent maintenant leur rêve interminable. Le couchant a rougi. Ah non, d'un chien de vêtements, enfin, oui. Ils rêvent maintenant leur souffle interminable. Le couchon a rougi. Mon Dieu, j'aurais dû le revoir avant. Toujours confiante aux formes politiques, à chaque instant ils gueulent liberté. Ils se révoltent aux réunions publiques, puis lâchement, ensuite il va voter. Les lois pourtant, tous les jours le cravachent, et ses élus au visage lui crachent. Créons de Dieu, qu'a-t-il donc dans les yeux, le peuple vieux? Ah, que le peuple est vieux. Debout, debout, peuple, c'est toi la force. Frappe en plein cœur de tout gouvernement. Dépouille-toi de cette vieille écorce et fous à bas les gars du Parlement. Ils devaient recevoir le journal par personne interposée et ils les envoyaient tous au parquet. Soulignés de bleu, de rouge, partout, tous les articles étaient encadrés. Avec une lettre au procureur. C'est un de nos amis qui était avocat qui nous a dit exactement ce qui se passait. Alors il a obtenu, aussi par personne interposée, parce que ce n'était pas lui qui déposait des plaintes, il les faisait déposer soit par des industriels, soit par des particuliers qui avaient reçu un journal qu'on ne leur avait pas demandé, qui n'avaient pas demandé. et qui s'insurgeait contre ce qu'il y avait dans ce journal, qui trouvait ça tout à fait immoral, etc. Alors les accusations portaient sur le côté immoral de la propagande. Or, ce n'était pas immoral, parce que s'il est immoral de dire aux gens de ne pas faire d'enfants, c'est bien plus immoral de leur dire d'en faire, parce que ça suggère quand même, n'est-ce pas, certains actes. Ils ont trouvé cette loi contre la licence des rues pour condamner les non-malthusiens. Ah, les repopulateurs se présentaient comme des gens sérieux, quoi. Ils se basaient sur des données statistiques. Bon, leur principal leader, Bertillon, d'ailleurs, était un statisticien. Puis il montrait une baisse de la natalité en France, ce qui, bon, était vrai. Mais ce qu'il faut voir, c'est les conséquences qu'il en tirait, l'enseignement politique qu'il a mené par la suite. En général, il disait donc que cette baisse de la natalité devrait entraîner une perte de puissance militaire pour la France, ce qui est quand même assez douteux pour encourager donc des parents à donner naissance à des enfants lorsqu'on on met en évidence des arguments tels qu'ils vont donner naissance à des futurs soldats. C'est pas forcément très encourageant. Il parlait également donc d'une baisse de puissance coloniale. Ils expliquaient que si donc la France avait moins d'enfants, elle ne pourrait plus conquérir de colonies, c'est agrandir son empire. Ce n'est pas non plus, si vous voulez, un motif pour donner naissance à des enfants. Et également, donc, il demandait une répression sévère, il demandait une législation efficace pour lutter contre la propagande néo-malthusienne, pour l'interdiction donc des méthodes contraceptives qu'ils accusaient d'encourager la dénatalité. Alors Humbert a été condamné parce qu'il était directeur de son journal. Alors il s'est retrouvé d'ailleurs en prison avec d'autres politiques qui l'a retrouvé. Ah oui, il s'est trouvé avec le Louis Lecoing par exemple, avec Miguel Almoreda, avec Gustave Hervé. Quand la guerre de 1914 arrive, Eugène Humbert s'oppose à la guerre et il quitte la France. Ah, oui. Pourquoi ? Ben parce qu'il ne voulait pas participer à la guerre. Toutes ses idées étaient contre. Les néo-malthusiens ont été contre la guerre jusqu'au bout, si on peut dire. Ah oui. Ils étaient antimilitaristes. Forcément. C'est pour ça qu'ils voulaient que la population ne soit pas en excédent pour fournir des soldats pour aller sur les champs de bataille. On est contre la guerre. Tout le monde est contre la guerre. La guerre, c'est une chose inhumaine qui ne se conçoit pas d'une façon rationnelle, raisonnable. La patrie a mis l'homme au niveau de la bête en le déclarant prêt et bon pour la conquête. La civilisation traîne son lourd fardeau et cache l'alcool sous les plis d'un drapeau. On pille, on incendie, on viole, on assassine. On colonise enfin quand l'ivresse domine. La patrie et le viol avant l'égorgement et renfermant son nom, le mot de régiment. Pour la patrie, on traça des frontières. Pour les frontières, il fallut des soldats. Pour les soldats, des armes meurtrières. Vinrent alors les combats sanguinaires. L'histoire ensuite enregistra les guerres. Et si vous saviez ce qu'on pleure et les mères, jeunes conscrits, vous ne partiriez pas. Si vous saviez ton pleur et les mères, jeunes conscrits, vous ne partiriez pas. Accourez et votez gaiement, populace souveraine, pendant le temps d'une quinzaine. On vous doit des ménagements. Si Marianne prend des amants, est-ce à moi de tenir le cierge? Cocu sans mon consentement, ma carte d'électeur est vierge. Cocu sans mon consentement, ma carte d'électeur est vierge. La la la la la la la la la la la la la la la la. Au menu, tout est agrément. Oh, aussitôt le dément. Ma carte à l'électeur la vierge, la table aussitôt le dément. Ma carte à l'électeur la vierge. Princes et consorts du Parlement, nul ne sait ce qui s'y gamberge. L'édile qui nous parle ment. Ma carte d'électeur est vierge. L'édile qui nous parle ment. Ma carte d'électeur est vierge. La, la, la, la, la. Cette loi de 1920, elle a été dans les dossiers poussiéreux du Parlement pendant des années avant d'être votée. Et ce sont les industriels du Nord qui sont à la base même de cette loi. Parce que la propagande néo-malthusienne a eu un grand retentissement dans le Nord, qui était des pays surpeuplés et des pays d'esclavage salarial. On prenait des enfants très jeunes dans les usines, partout, et on les exploitait d'une façon indigne. Alors la propagande néo-malthusienne s'est étendue beaucoup là-bas et a été accueilli forcément par les ouvriers, par tous ces gens qui étaient exploités d'une façon indigne, d'une façon très favorable. Alors les industriels en ont pris ombrage. À ce moment-là, ils ont donné un sursalaire familial à tous ceux qui avaient beaucoup d'enfants. Et ils ont écrit au Parlement, par l'intermédiaire d'une de leurs créatures, pour dire au Parlement, si vous ne votez pas une loi contre ces gens-là, c'est-à-dire les néo-malthusiens, nous supprimons le sursalaire familial. Vous savez, les députés à cette époque, il y avait beaucoup de socialistes, des libéraux, ils n'ont pas pris ça en grande considération, et les dossiers, vous savez, en dessous, dans les fonds de tiroir. Il a fallu la guerre de 14 pour que la chose revienne sur le tapis. Et alors, à ce moment-là, ils ont trouvé des oreilles complaisantes parmi les députés. Ils ont fait voter cette loi un matin, alors que l'hémicycle était à peine rempli, il n'y avait que quelques députés, et ils ont voté la loi immédiatement. Il y a quelques députés qui se sont levés parmi les socialistes pour dire « mais on ne peut pas voter une loi comme ça sans la discuter ». Alors les autres ont répondu, on la discutera après. Vous savez ce que c'est, on ne discute pas une loi après qu'elle a été votée. Quand elle a été votée, elle a été votée, la loi. Elle a été, admise par le Sénat, et la loi a passé comme une lettre à la poste. Et quelques mois après, peut-être je crois que c'était en octobre ou en novembre, nous avons été poursuivis. Nous avons été les premières victimes. Elle a été faite contre nous. On a immédiatement fait des perquisitions chez tous les néo-malthusiens qui n'avaient pas obtempéré à la loi, naturellement. Nous sommes contre les lois, nous n'avions pas à obéir à la loi. Et nous avions continué et à vendre nos appareils, à vendre nos livres et tout et tout. Si bien que quand ils sont venus perquisitionner, ils ont trouvé tout ce qu'il fallait pour créer un acte d'accusation. Les néo-malthusiens, tous ont été condamnés à 2 ans de prison, plus les frais de procès, les amendes, etc. Et Humbert a écopé de 5 ans de militaire et de 2 ans de prison. Enfin, ce sont des peines qui se confondent. Mais tout de même, il a eu 7 ans de prison d'un seul coup comme ça. Moi, j'ai eu 2 ans. En premier lieu, à Saint-Lazare. Et après, comme j'avais demandé mon changement pour être tout de même dans une prison plus propre et seule, j'ai été transférée à Fresnes. Est-ce que cet emprisonnement a diminué votre militantisme ou au contraire l'a augmenté? Au contraire, il m'a fortifié dans mes convictions. Il a dit, du moment qu'on prend contre toi des mesures pareilles, c'est que tu es dans la vérité, c'est que tu menaces des gens à la base même de leurs institutions. Ça m'a fortifié, c'est après que j'ai commencé alors à faire des conférences, des articles, des livres, etc., etc. Ça m'a lancé. Nous avons passé naturellement nos années de prison, et après, vous savez, ça laisse des séquelles, c'est-à-dire des séquelles de ruine totale. Il fallait payer les amendes. Nous avons eu naturellement des secours des amis américains, des anglais. Mais enfin, nous avons quand même dû payer de nos propres deniers et bien des choses. Et puis alors, il y a eu l'arrêt de tout. Il a fallu gagner sa vie. Humbert a été un moment directeur d'une librairie qui dépendait du Merle Blanc, que son ami Eugène Merle lui avait cédé, n'est-ce pas, pour qu'il se défende. Après ça, il a été directeur à un moment donné au journal de Kenneth Mongeau, Vivre, qui était un journal naturiste, nudiste. Et puis à ce moment-là, il m'a dit, c'est pas possible, moi je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je fasse quelque chose. C'était dans son esprit et dans sa nature de combattre. Et c'est à ce moment-là que nous avons eu l'idée de faire ce petit canard-là, ce petit journal, La Grande Réforme, qui a pris une extension formidable. Depuis 31 jusqu'à 39, jusqu'à la guerre, ça allait crescendo. Même, on avait en vue de créer un autre journal et même une clinique avec des médecins appropriés pour être à l'abri de la loi. Il y a eu combien de numéros de La Grande Réforme ? 100 dans la première partie et moi j'en ai refait 32 après la mort d'Humbert, de 46 à 49. Elle a non seulement tué notre œuvre une deuxième fois la guerre, elle a aussi tué Humbert. Et dans des conditions particulièrement tragiques, parce que c'est 2 jours avant sa libération qu'il a été tué à Amiens, alors qu'il était hospitalisé. Les bombes alliées sont venues le tuer là, à l'hôpital, avec beaucoup d'autres personnes, y compris tout un quartier d'enfants, sur cet hôpital qui était pourtant éloigné de la ville et bien signalé par des croix rouges, vous savez, des grandes croix rouges étalées partout. Ça n'a pas empêché les bombes alliées de tomber dessus et de tuer un tas de gens. Mais Humbert était en prison, là Et Humbert était là en prison. C'est-à-dire que s'il n'avait pas été tué à l'hôpital, il aurait été tué dans sa cellule à Amiens, car il avait été condamné à 2 ans de prison pour avoir fourni le livre de Gabriel Giroux, La question de population, c'est arrivé au juge d'instruction et naturellement, quand on a tombé sur Humbert, c'était le gros morceau. Et on a fait un procès et il a été condamné à 2 ans de prison. Et à ce moment-là, il est tombé malade à Amiens, dans cette prison qui était surpeuplée. Une prison cellulaire, pour une personne, était occupée par 5 ou 6 individus, c'est vous dire dans quel état. N'est-ce pas, n'importe quel homme bien portant, et lui était un homme bien portant, serait tombé malade. Il est donc tombé malade et transporté à l'hôpital d'Amiens. Et quand il était à l'hôpital d'Amiens, la prison a été bombardée et la cellule qu'il occupait a été détruite complètement. Et ce qui fait rêver les morts dans la rosée plus que la Maison Blanche, ou que le ciel natal, c'est l'œuvre de leurs mains, leur œuvre inachevée, l'œuvre qu'ils polissaient comme un rude métal et qui tenait brûlante et vive leur pensée. Tu rêves s'élevant sur l'azur où te ne mettra pas le mai vert qui frissonne maçon. Et le valet de ferme, au front obscur songe, qu'il a laissé debout le seigle mûr, et qu'on a fait sans lui les grands labours d'automne. Et tu rêves, mon frère, au vert tué en toi, à ce qui meurt par eux de la beauté possible, à ce qu'ils apportaient de tendresse et d'émoi, à ce qu'ils apportaient au monde d'indicible. De ta splendeur intérieure et de ta foi, tu songeais que ton œuvre était là belle et fruste, comme une pierre au contour dur, longue à polir, que tu soupçonnais seul le diamant d'Ophir contenu dans la gangue, et dont ta main robuste aurait forcé les feux scintillants à jaillir. Alors vous vous retrouvez seul ? Mais avec un tempérament qu'avait forgé Eugène Humbert. Oui. et qui vous a permis de continuer. Oh, j'ai continué complètement. D'ailleurs, ça m'a sauvé du désespoir. Car il fallait que je choisisse. Ou aller de l'autre côté, parce que c'était un chagrin insurmontable d'avoir perdu un homme de cette qualité. Et le compagnon de ma vie de 35 ans. Et puis j'avais ma fille quand même, n'est-ce pas, qui me restait. Et elle avait déjà suffisamment de chagrin d'avoir perdu son père que pour encore lui infliger un chagrin supplémentaire. Alors je me suis mise au travail. J'ai fait des articles pour tous les journaux qui me les demandaient, c'est-à-dire des publications partout, y compris à l'étranger. Et j'ai fait le livre sur Sébastien Faure et le livre sur Humbert. C'était des travaux assez importants. Et aussi des conférences, car on me faisait venir de Paris pour parler, par exemple, à la Mutualité ou aux Sociétés Savantes, quand c'était encore possible à ce moment-là. Puis alors j'ai parlé de Jean Vigo, que moi j'ai connu 3 ou 4 jours après sa naissance, parce que j'étais en relation, mes parents et moi, nous étions en relation avec les parents, c'est-à-dire avec Miguel Almoreda et sa femme, que nous avions connu au Libertaire, au journal Le Libertaire. Miguel Almoreda était un type très enthousiaste. C'est même Delalay, l'ami de ma mère, c'est-à-dire celui qui m'a élevé, qui l'a lancé dans le mouvement, qui l'a poussé sur la tribune même. Alors nous étions très liés. Un jour, nous recevons un pneu, nous avisant de venir faire connaissance avec leur premier-né. Et quand nous sommes arrivés dans cette unique chambre, nous avons vu d'abord la première chose qui nous a sauté à l'œil, c'était Miguel Almoreda, qui était en train de jouer aux billes avec un de ses copains, Fernand Desprez, qui était aussi qui a été un anarchiste qui a tourné après au communisme, mais qui était à ce moment-là anarchiste. Et il jouait là, sur ce carreau qui était tout à fait déplacé, ce qui devait... Pas arrangé la partie, naturellement, il y avait des trous partout. Et on voyait ces deux gars qui étaient là et qui nous ont regardés en rigolant. Et puis tout d'un coup, on voit la femme à Miguel, Émilie, qui était en train de se coiffer devant l'unique fenêtre, qui avait un tout petit miroir tout cassé, et elle était en train de faire ses bandeaux, elle avait des cheveux merveilleux, elle était en train de se coiffer. Il y avait un lit qui était là, bien entendu, mais le lit, on ne le regardait pas, on regardait les gens qui étaient là. On n'a pas l'habitude, quand on va chez les gens, de regarder les choses, on regarde les gens. Et à un moment donné, Émilie se précipite vers ce lit, elle prend quelque chose qui était là-dedans, et elle me le met sur les joues, dans les bras. Et c'était Jean Vigo, qui avait peut-être 4 ou 5 jours, quelque chose comme ça. Qui était vaguement enveloppé dans un linge, parce qu'ils étaient dans une purée noire, et que le pauvre gosse, il participait de la purée des parents, naturellement. Alors, à ce moment-là, j'ai eu cette petite chose dans les mains, et je m'y suis tellement attachée que, jusqu'à sa mort, n'est-ce pas, nous avons été en relation. Quand il était tout jeune, je l'ai suivi de très près. J'étais sa marraine laïque, parce qu'immédiatement, on nous a bombardés, moi, marraine, et puis Fernand Desprez. Parrain. C'était comme ça, dans l'air, c'est tout. Car il n'a pas été baptisé, naturellement. C'était un enfant d'anarchiste, quand même. Et il a été plus anarchiste que ses parents jusqu'à sa mort, lui. Le bourgeois qui sent ses talents, sa paresse, vit de ta sueur et n'est qu'un voleur. Guerre à cela, on ne doit plus si bon. Frappe sans pitié, c'est pour l'humanité. En avant. En avant, en avant, bon. Mais dès aujourd'hui que le soleil brille, affirmons nos droits à l'existence. Il faut nous unir et que l'avenir éclaire partout la délivrance. Les peuples unis seront tous amis, chassons les sombres jours d'anémie. Les arts florissants décriront les champs du monde grandi par l'anarchie. Bravo. Vous apprenez ces chansons-là. Les femmes sont très passives et Elles ont été, ça a été très dur de les amener à se défendre. Et tout de même, il y en a eu quelques-unes qui ont donné beaucoup de leur temps. Je pense à Gabriel Petit, qui dans son journal La Franchie a mené un grand combat. Marie Huot, c'est la première. C'est elle qui a fait la première conférence en 1892 à la salle de géographie ici, à Paris, qui a eu un retentissement formidable. Elle a été huée au début, après ovationnée. D'ailleurs, elle s'occupait beaucoup de vivisection aussi, de l'antivivisection. Elle a un jour brisé son ombrelle sur le dos de Brunsekar, le docteur Brunsekar. Madeleine Pelletier, elle s'est occupée de tout aussi, mais aussi de ça, et beaucoup. Elle a fait des conférences et des brochures et un tas de choses sur la question. Elle a été notre collaboratrice à la Grande Réforme, c'était une amie, elle. Bertie Albrecht. Ah, Bertie Albrecht, c'est chez nous qu'elle est venue puiser tous ses arguments. C'était une femme riche, qui avait des moyens que nous n'avions pas. Elle pouvait aller partout. Elle est allée dans tous les congrès, à La Haye, à Brno, à Londres, partout, à Genève, où il y avait des congrès malthusiens. Et chaque fois, elle venait à la maison, se charger de tous nos journaux, de mes livres, de tout ce que nous avions écrit, pour s'en servir comme argumentation. Celle a été une grande figure du néo-malthusianisme. Ça a été son cheval de bataille. Elle était féministe. Elle a beaucoup lutté pour les libertés économiques, tout ce qui peut remettre la femme à son niveau exact. Mais c'est le néo-malthusianisme qui était en primauté dans son action. Et c'est le 18 mars de l'an 71 que depuis le palais où rota Louis XIV, Monsieur Thiers a brandi quelques canons de bronze et crié vers Paris, ils vous feront rendre gorge. Monsieur Thiers a brandi quelques canons de bronze et crié vers Paris, ils vous feront rendre gorge. Une fille de Paris a gueulé vers le ciel et laissé sa jeunesse dans un bagne pourri. Femme, si vous luttez, saluez Louise Michel. Et si vous ne luttez pas, saluez-la aussi. Femme, si vous luttez, saluez Louise Michel. Et si vous ne luttez pas, saluez-la aussi. Aussi souvenons-nous que des frères oubliés, venus d'autres pays, citoyens de la terre, sont morts des mêmes balles que leurs frères français. Ils avaient oublié les drapeaux, les frontières. Sont morts des mêmes balles que leurs frères français. Ils avaient oublié les drapeaux, les frontières. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter. Notre mémoire est née de ces quelques semaines. Compagnons et compagnes, il faut l'utiliser. Revendiquons les rues, les montagnes, les plaines, et comme les communards, abolissons l'armée. Revendiquons les rues, les montagnes, les plaines, et comme les communards, abolissons l'armée. Il faut gratter l'oubli dont on a recouvert les leçons des copains qui furent assassinés. Il faut savoir que l'autonomie ouvrière a laissé dans l'histoire des blessures infectées. Il faut savoir que l'autonomie ouvrière a laissé dans l'histoire des blessures infectées. Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé. Ils doivent nous garder rancune, de ne pas mieux en profiter. Je ne suis pas féministe dans le sens des féministes d'aujourd'hui, surtout. Parce que cette agressivité vis-à-vis de l'homme, je ne l'accepte pas du tout. Elles veulent remplacer l'homme. Pourquoi? Elles ont leur rôle de femme à jouer. Une femme, ça vaut un homme dans sa spécialité, dans son intégrité féminine, dans sa psychologie personnelle, dans sa physiologie, dans sa structure. Elle n'a pas besoin de remplacer l'homme pour être un être humain. Elle n'a qu'à s'affirmer comme un être humain. Que reste-t-il aujourd'hui des idées néo-malthusiennes ? Ah, il reste une influence profonde, mais diffuse, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mouvement organisé, structuré, mais on ressent l'influence néo-malthusienne dans des domaines où vraiment on ne s'attendrait pas à les retrouver. Quoi. Par exemple, le mouvement écologie à l'heure actuelle est très profondément imprégné de néo-malthusianisme, des gens comme Dumont, qui déjà d'ailleurs étaient en rapport avec les néo-malthusiens de la grande époque, mais ont transmis cette idée d'équilibre population-subsistance, également, si vous voulez, pour des problèmes purement écologiques, avec les problèmes de population et de pollution liés à la surpopulation. Bon, on le retrouve, par exemple, dans la science-fiction. C'est très fréquent dans les romans de science-fiction de retrouver les thèmes de la surpopulation, de la pollution également venant de cette surpopulation, de la guerre venant de la surpopulation, des visions catastrophiques d'un avenir où l'homme étouffe du fait de la masse de population. Bon, on le retrouve également dans les journaux anarchistes à l'heure actuelle. On retrouve des traces dans des journaux comme Charlie Hebdo, avec quelqu'un comme Kavanagh qui s'engage très fortement et violemment même contre la surpopulation. Bon, on peut le retrouver, si vous voulez, dans différents domaines. Un chanteur comme Henri Tachant également a fait des chansons très proches de la philosophie néo-malthusienne. On retrouve ça dans différents domaines, mais il n'y a plus de mouvement structuré, de mouvement organisé. Ne serait-ce que, si vous voulez, cela reste interdit, hein. La loi Neuwirth de 67, donc, qui a de nouveau autorisé la liberté de la contraception, comportait un article dans lequel il est bien précisé que toute propagande antinataliste est interdite. Donc légalement, même, il ne pourrait plus y avoir de mouvement néo-malthusien organisé. Ceci laisse supposer donc que les repopulateurs sont toujours très actifs. Ah, ils ont alors là un monopole de la parole. La question de population est très fréquemment évoquée par tous les médias, les journaux, la presse, la télévision, mais uniquement, si vous voulez, dans une optique repopulatrice. Bon, ils ont des ténors connus de tout le monde, des gens comme Michel Debré, des gens comme Pierre Chaunu, des gens comme Alfred Sauvy, qui multiplient les articles, les déclarations, employant une argumentation très proche d'ailleurs des repopulateurs du début du siècle. En plus, si vous voulez, il existe des organisations militantes de repopulateurs qui sont nées à la fin du 19e siècle, même qui subsistent toujours, comme l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française. Il a changé de nom, je ne me souviens plus son intitulé exact à l'heure actuelle, mais c'est Alliance nationale pour la vitalité française par l'accroissement de la population. Mais enfin, c'est le même groupe. Ce qui est d'ailleurs intéressant de savoir, c'est qu'à l'intérieur de son équipe dirigeante, coexistent des représentants du patronat, de la BNP, du gouvernement, et des représentants de la CGT et de la CFDT. Ce qui montre également donc l'importance de ce mouvement repopulateur qui crée une union sacrée. Mais à côté, je vous dis, il y a ce néo-malthusianisme diffus et très profond dans la population. Lorsque on évoque énormément de problèmes avec des gens divers, il y a très souvent des réactions dans ce genre, des phrases « ils n'ont qu'à pas faire tant de gosses », par exemple l'idée que la guerre vient de la surpopulation, je crois, a vraiment pénétré les gens avec tous ces enfants qui naissent, ça va nous conduire à une nouvelle guerre, c'est quelque chose que l'on rencontre quotidiennement quand même. Et je voudrais dire une chose réconfortante pour finir, j'ai assisté à ce défilé des femmes, j'ai vu ces femmes défiler, refuser, comme elle le disait, à un Debré, à un pape ou un ayatollah, de disposer de leur corps. Et à ce moment-là, c'est à toi que je pensais, Jeanne. Et je pensais que ta lutte n'avait pas été vaine, et qu'au contraire, il y avait d'autres qui avaient suivi ton exemple. Et aujourd'hui, nous en avons la preuve, puisque ce ne sont pas seulement les anciens qui viennent commémorer cette journée, mais que ce sont aussi des jeunes qui prouve que la pensée est toujours vivante. Que de sang séché depuis la commune, sang de paysans et sang d'ouvriers, et tant de souffrances. Ont-ils donc pleuré en restant dans l'ombre et compté les noms des copains passés? ont-ils reculé et ne pas répondre face à la douleur des emprisonnés? Que revienne enfin ce temps où les têtes fleurissaient d'amour et de liberté et tant d'espérance. Que croule l'État et tous ses ministres. Nous verrons alors nos mains se serrer. Que crèvent les grands qui nous administrent. Nous saurons aussi vivre sans papier. Merci à tous ceux du temps des cerises pour la mélodie qu'ils nous ont laissée et qu'ils nous pardonnent. Nous la chanterons pleine de révolte tant que les patrons voudront exister. Nous la chanterons toutes les saisons et jusqu'à la fin de leur société. Nous allons passer maintenant à l'agenda. Alors, pour vous rappeler qu'il y a une exposition qui a commencé le 17 février et qui se termine le 10 mars, donc vous avez encore une semaine pour la voir, qui s'appelle Don Shot, et qui est une exposition collective et qui se passe à Flaget. C'est ouvert tous les jours, sauf le lundi de 14h à 19h, et sur la place Flaget à l'espace architecture. Et alors Don Shot réunit des photographies, des vidéos, des témoignages visant à mettre en débat des questions telles que la répression de la liberté d'expression dans l'espace public et la criminalisation croissante des mouvements sociaux, des personnes migrantes, des citoyennes et des journalistes. Donc ce projet est porté par le photographe Frédéric Moreau de Bélingue, Zine TV, le collectif Krasny et la Ligue des droits humains, et s'est enrichi de la participation d'ULB Corporation pour cette édition. Voilà, donc vous avez jusqu'au 10 mars pour aller voir cette exposition. Alors, ensuite, vous avez... attendez, que je regarde. Vous avez le 6 mars. Alors, attendez. Donc, le 6 mars, vous avez à l'occupation zone neutre du... À l'occupation zone neutre... collectif zone neutre occupation KBC, 14 avenue du Port à Bruxelles. Donc, dimanche 6 mars 2022... à 10h, il y a une réunion, enfin il y a le collectif donc, qui reçoit l'OFDEM, sera accueilli, oui, l'OFDEM, c'est le Offline Free Software, excusez-moi mon anglais, Developer European Meeting, organisé par les petites singularités, et donc ce sera accueilli le 5 et 6 mars par le collectif Zone Neutre sur l'ancien site de la KBC, qu'ils et elles maintiennent depuis le mois de juillet. Alors, il y aura des discussions sur l'hébergement indépendant de logiciels, réseau pair à pair, médias militants, biohack, algorithmes utilisés par les administrations. Voilà, alors ils espèrent des rencontres venant de toute l'Europe et de la Belgique et de belles contributions créatives, expositions, ateliers sur la désinformation. Et c'est dans le cadre d'un projet qui s'appelle Classroom Project. Performance en soirée, il y aura des repas partagés et vegan. Voilà, donc c'est à partir de 10h le dimanche, le samedi et le dimanche, et le dimanche 6 mars. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez regarder sur Indie Media Bruxelles. Alors, il y aura également à 19h30 une soirée solidarité à l'occupation zone neutre avenue du Port. Le collectif Zone Neutre, donc de occupation des KBC, avec leur soutien, organise une soirée de solidarité dans les locaux de l'occupation. et appellent tous leurs amis, camarades à cette soirée de solidarité avec les occupants. Donc c'est 12-14 avenue du Port à Bruxelles et c'est à partir de 19h30. Ça c'est également le 6 mars. Alors, le 7 mars, à partir de 14h30, il y a au Burgwinkel, comme tous les lundis, il y a le permanent squat à l'assaut du vide. C'est la problématique du logement, des squats et tout ça. Donc, ça se passe au Burgwinkel, 13 Place Anne Essence à Bruxelles. Alors, ensuite, à 17h, le lundi 7 mars, vous avez également, devant l'ambassade des Royaumes-Unis, Place de l'Anche à Bruxelles, Namur. Place de l'Ange à Bruxelles et à Namur. Lundi 7 mars, 17h, donc il y aura un rassemblement de soutien encore à Julien Assange, acte 153. Voilà, donc à Bruxelles, c'est face à l'ambassade du Royaume-Uni, 10 avenue de Dorgheim, près du rond-point Schuman. Et à Namur, c'est de 17h à 18h, place de l'Ange. Et à Bruxelles, c'est de 17h à 18h30. Voilà pour lundi. Alors, mardi, c'est le 8 mars. Et donc, c'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes, pour les droits des femmes. Et donc, comme tous les ans, le collectif 8 mars appelle à une grève nationale des femmes et des minorités de genre. Après les grèves massives en Espagne, en Suisse et en Amérique latine, et 3 années de grève en Belgique, donc le collectif appelle les femmes à s'arrêter le 8 mars. À faire grève, à renoncer aux tâches domestiques, au travail rémunéré et aux cours, et à ne pas consommer pour cette action. On veut souligner le rôle important que joue le travail des femmes dans le fonctionnement de la société, parce que lorsque les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. Alors, il y a plusieurs événements qui vont avoir lieu. Donc, les activités qui sont organisées dans le cadre de cette grève, ce sont attendez que je regarde. Donc à Bruxelles, la journée commencera avec le rassemblement des syndicats à la gare centrale de 11h à 13h. À partir de 16h, il y aura le village des femmes et à partir de 17h, départ de la marche mondiale des femmes à 17h, toujours le départ a toujours lieu à la gare centrale. Alors il y a plusieurs événements. Il y a les étudiantes de l'ULB. Les étudiantes de l'ULB de 8h à 12h qui font des piquets de grève avenue Paul Hégé. 12h30, il y aura des prises de parole devant le bâtiment F. Et à 16h, un départ pour rejoindre la marche mondiale des femmes. Alors, il y a plusieurs événements également en province. Donc, à Liège, il y aura un rassemblement à 15h30, départ à 17h de la place de la Beauvrie, parc de la Beauvrie, suivi d'une manifestation à 19h, place du 20 août, plus cycloparade, excusez-moi. Alors, à Namur, il y aura un accueil place d'armes à 16h avec des stands de distribution de pancartes et mots introductifs, et une marche à partir de 16h30 avec divers arrêts et prises de parole. Voilà, donc c'est Place du Québec, Forum de la Paix, Rassemblement Parc Louise-Marie vers 18h30, chant et discours de clôture. Donc il y aura également à Charleroi toute une mobilisation, à Mons également, à Tournai, à Louvain-la-Neuve, rassemblement sur la place Agora et la Grand Place de 10h à 16h avec des stands de sensibilisation. À Gand, il y aura un rendez-vous pour un rassemblement sur la place Couter à 18h et sur la place Vrij-Dag-Mark à 19h. Anvers, la grève aura d'abord lieu sur les ondes de Radio Centrale 106.7 FM de 15h à 19h. Rassemblement sur la place Ossenmarkt à 17h. Événement de clôture sur la Koenig Plain à 18h30. Également à Hasselt, à 17h30, il y aura un rassemblement sur le Molenport Plain à 17h30. Discours et slam organisé par le collectif 8 mars de Limbourg. Alors, il y a également à Louvain, à Hasselt, à Saint-Nicolas. Voilà, toute la journée, où que vous soyez, faites du bruit, prenez une pause, portez le foulard, rejoignez vos copines ou prenez du temps pour vous. Alors, il y a également... Les déchaînés, mais ça c'est le 13 mars, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a également le collectif Féminisme Yé en grève, organise à Bruxelles à 8h des piquets des étudiantes de l'IEX et à 10h devant le planning Séverine, avenue Raymond van der Bruggen, 84 070 Anderlecht. Et à 12h sur le campus du Solbosch de l'ULB, 15h au village féministe devant la gare centrale et 17h30 à la manifestation. Voilà. Et alors, il y a également... ça, c'est, je suis désolée, mais je suis en train de lire les mails que m'a envoyé Gwen, les SMS que m'a envoyé Gwen, effectivement. Et alors, les déchaînés, Let's Ride on the Patriarchy. Donc ça, c'est le dimanche 13 mars à 15h, un départ trône plus bike repère, atelier, apéro, plus foot, plus musique. Voilà. Et voilà. Et le 6 mars à 16h au Recyclard, rue Manchester, 13 à Molenbeek aussi. Voilà. Ok. Voilà. Donc c'est tout ça. Et donc il faudrait vous y retrouver parce qu'il y a plein de choses. Et alors je vais rajouter encore pour ce 8 mars, il y a un événement à Defax. Alors ça, attendez que je regarde, voilà. C'était un appel à la solidarité qui a été organisé par le Comité des femmes sans papiers. Alors les femmes du monde entier revendiquent et méritent un avenir égalitaire, libre de préjugés, de stéréotypes et de violences. Un avenir durable et pacifique avec les mêmes droits et des chances égales pour toutes et tous. Et ce n'est qu'en garantissant les droits des femmes et des filles sans exclusion que la Belgique parviendra à assurer la justice sociale et l'inclusion, à développer des économies qui bénéficient à toutes et à tous. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, le Comité des femmes sans papiers organise donc ce 8 mars à l'occupation VSP Family rue de Fax numéro 1 à 1000 Bruxelles. À partir de 18h, une soirée « Besoin de solidarité » pour la prise en considération de leurs besoins, soutenir leurs projets, dire non à une société qui continue à les ignorer. Donc il y aura des prises de parole, un repas avec des menus variés, danse et ambiance assurée. Alors il y a un compte sur lequel vous pouvez y mettre des dons, si vous pouvez, si vous voulez. Alors pour vos dons, le numéro de compte du Comité des femmes sans papiers, c'est BE 55. Alors 97 33 85 10 07 44. Donc BE 55 97 33 85 10 07 44. Et vous pouvez mettre en communication solidarité Comité des femmes sans papiers. Merci à vous. Voilà, ça c'est pour le 8 mars. Alors ensuite, il y a, qu'est-ce qu'il y a encore en tant que, voilà, donc c'est tout. Ben voilà, c'est tout, donc le 8 mars, c'est la grosse journée, donc on essaye de vous y voir assez nombreux et nombreuses, parce que ça concerne aussi nombreuses et nombreux, parce que ça concerne aussi les hommes. Donc voilà, et puis on vous dit à dans 15 jours. Merci, au revoir. We'll be right back.